Bonjour, ici Marc Bouchard pour cette semaine, l'animateur de cette émission Ça roule radio. Une émission qui va être un peu écourtée, je dois le dire, et qui va surtout être en mono. En mono parce que je serai le seul animateur, mon ami Luc étant terrassé par une terrible grippe d'homme qui fait qu'il n'a plus de voix pour vous parler. Mais on ne voulait pas vous laisser tomber une semaine de plus. On s'est donc organisé pour faire une petite émission. Émission que je voulais faire absolument cette semaine parce que je reviens du Salon de l'Auto de Los Angeles où il y a eu énormément de nouveautés pour lesquelles j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions. Et je pense que ça valait la peine, bien entendu, d'en parler. Je vais aussi vous glisser un petit mot de mon essai de la semaine, mais très bref, du nouveau Mazda CX-5, ainsi que du Alfa Romeo Stelvio. Mais le Stelvio, on va regarder ça plutôt pour la semaine prochaine. On parlera plutôt brièvement du CX-5 qui a été remanié. En fait, on peut même en parler tout de suite. C'est un véhicule qu'on connaît bien. C'est un véhicule qui est beaucoup plus racé, beaucoup plus raffiné qu'il ne l'était. C'est un véhicule qui s'est surtout considérablement amélioré au cours des derniers mois, puisqu'on lui greffe toutes sortes de nouveautés. Bien sûr, pour 2018, par exemple, on va ajouter ce qu'on appelle le c'est le G-vectoring en anglais. En français, c'est le contrôle vectoriel de la force. Donc, un truc qui permet, en fait, d'avoir une meilleure condition de direction, qui garde vraiment la tenue de route de façon beaucoup plus efficace, qui est vraiment plus directe. Moi, j'avais eu l'occasion de le tester en prototype sur une Mazda 6 équipé ou non du système, donc on avait le choix, et honnêtement, il y a une grosse différence. Depuis, Mazda a décidé de l'implanter dans chacun de ses nouveaux véhicules. Alors évidemment, le Mazda CX-5, qui est une star dans son créneau, là, qui fonctionne bien, et qui a toujours été réputé pour la qualité et son dynamisme de conduite, ben, on va injecter ça. Pour le reste, évidemment, ça demeure un véhicule qui est stylé. On connaît le nouveau design, le fameux Kodo de Mazda. Donc, évidemment, on n'y échappe pas du côté du CX-5. On se retrouve avec un véhicule qui est, ma foi, agréablement... qui est agréablement nerveux sans être trop dur sur la consommation d'essence grâce à la technologie SkyActiv. Et prenez ça en note parce que c'est rare que je dis qu'un Mazda n'est pas trop dur sur la consommation d'essence. D'ailleurs, les gens de Mazda m'ont souvent reproché cet élément-là. Malgré tout, c'est un petit véhicule de 155 chevaux, 150 livres-pieds de couple qui est intéressant. Le bémol, en fait, du CX-5, c'est probablement son espace de chargement. C'est probablement un des plus petits de la catégorie, ce qui est un peu dommage, il faut bien l'avouer, mais en même temps, ce n'est pas nécessairement un véhicule qui est fait pour transporter toutes sortes de choses. Quoique, à ma grande surprise, j'ai eu besoin de transporter des moulures. Les auditeurs réguliers se rappelleront qu'il y a quelques semaines, vous aviez droit au bruit de construction parce que j'avais quelqu'un qui faisait de la rénovation dans la maison avec moi. Et bien là, j'en étais rendu à l'installation des moulures. Je suis donc allé chercher des portions de 8 pieds que j'étais capable de glisser dans la voiture, évidemment, en utilisant tout l'espace et en glissant entre les deux sièges avant. Mais ça s'est quand même bien placé et j'ai pas eu trop de difficultés. L'autre énorme bémol, et ça c'est probablement la plus grande déception, on en parle chaque fois qu'on parle des véhicules Mazda, c'est le système d'infodivertissement qui vraiment a un grand besoin d'être rénové. C'est un système qui est d'une lenteur extrême. Écoutez, j'ai eu le temps de faire à peu près 400 mètres à son volant avant qu'il ne réagisse efficacement, avant qu'il ne me donne accès à toutes les informations. J'ai eu le temps aussi de m'arrêter à un stop avant de pouvoir consulter le fait que mon téléphone ne s'était pas branché Bluetooth. J'ai dû donc m'arrêter, m'immobiliser, me mettre en park et repartir tout ça. Donc, ce n'est pas nécessairement le système le plus convivial, ce n'est pas le plus efficace. Malheureusement, malgré tout, c'est quand même un système qui est intéressant là, parce qu'il est complet, mais il n'est vraiment pas facile. Et pour une raison que j'ignore absolument, c'est un système qui a totalement refusé d'accepter le fait qu'on avait changé d'heure. Alors, il affiche encore l'ancienne heure, l'heure d'été, parce que je n'ai pas été capable de le placer à l'heure d'hiver, tout simplement. Écoutez, je ne sais pas comment faire. C'est probablement dans la façon dont il est configuré. Il faudrait que je fouille un peu plus. Je vous avoue que j'avais plus ou moins envie de le faire, parce que je trouve que c'est déjà une perte de temps que de le faire et d'avoir à travailler pour trouver ça. Alors, je pense que, bon, ça, c'est le gros défaut. En revanche, le CX-5, je vous l'ai dit, c'est un véhicule qui est extrêmement agréable. C'est un petit véhicule très compact, pas beaucoup de capacité. On parle de, écoutez, tout au plus, on n'est pas supposé remorquer avec, d'une part, c'est déjà ça. Donc, on est limité dans cet élément-là. On se retrouve avec un coffre qui a 966 litres, ce qui n'est pas nécessairement le plus gros, bien au contraire de ces catégories, probablement le plus petit, mais c'est probablement le véhicule quand même le plus dynamique à conduire. En tout cas, c'est un véhicule que moi j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le look évidemment, et dont j'aime aussi le rouge cristal foncé, là, la nouvelle couleur que l'on a créée pour le nouveau CX-5. Donc, un véhicule quand même, ma foi, plutôt intéressant. Je vous ai dit aussi que je vous parlerai du Salon de Los Angeles. On va en parler parce qu'il y a eu des tonnes et des tonnes de nouveautés qui ont été dévoilées au Salon de Los Angeles. Moi, je suis allé là-bas parce que j'étais invité par Lincoln, je ne m'en cache pas. Et on est allé parce qu'on nous a présenté deux éléments. D'abord, un Lincoln MKC qu'on avait déjà vu avant le début du salon, qui n'est pas nécessairement de, je vous dirais, d'une grande trouvaille, là, parce qu'on a modifié quelques affaires. On a surtout modifié la grille avant. Donc, ce n'était pas concluant, je vous dirais, mais oui, c'est renouvelé. La grande nouveauté, cependant, c'est le Lincoln Nautilus. Qu'est-ce que c'est le Nautilus? Ben, dans les faits, c'est tout simplement le Lincoln MKX que l'on a remplacé par le Nautilus. Ça laisse présager, vous l'aurez compris, qu'on va abandonner les MK quelque chose chez Lincoln, ce qui est en soi une bonne chose. Donc, on se retrouve avec le Navigator, avec la Continental et maintenant avec le Nautilus. C'est un véhicule, donc un intermédiaire de moyenne taille, qui est bien fait, qui est vraiment beau, qui est vraiment bien réussi, pour lequel on mise évidemment davantage sur le confort et le luxe. Je pense que c'est en soi une excellente chose. Et c'est aussi beaucoup, beaucoup sur les technologies. Parce que, à ma grande surprise, on nous a appris que les milléniaux, aux États-Unis en tout cas, selon le directeur du marketing aux États-Unis, M. Parker, ce sont les milléniaux qui sont désormais les plus grands clients de Lincoln. Donc, on a voulu les satisfaire, on a voulu leur faire plaisir. Et pour faire ça, ben, on ajoute une tonne de technologies, incluant bien entendu l'ensemble de caméras et de capteurs partout, un régulateur de vitesse adaptatif, là, donc intelligent, qui va arrêter ou partir de lui-même, donc qui est capable d'immobiliser complètement le véhicule pour suivre le trafic. Et il peut, en plus, on a ajouté une fonction qui s'appelle de centralisation de voie, c'est-à-dire que littéralement, le véhicule va vous garder au milieu de la voie actuelle, entre les lignes, de façon la plus sécuritaire, et va même être en mesure de vous donner un coup de main pour éviter des objets stationnaires s'il les voit devant vous. Donc, ce n'est pas non plus négligeable, c'est quand même intéressant. Deux moteurs qui vont se retrouver sous le capot. Bien sûr, le moteur actuel, qui est un 4 cylindres de 245 chevaux, turbo bien entendu, et un V6 2,7 litres, 335 chevaux et 380 livres-pieds de couple. C'est donc un véhicule qui va faire son entrée au cours des prochaines semaines, qui est vraiment plus joli, je dois le dire, que ne l'était l'ancien MKX, parce que, je vous l'ai dit, je n'aimais pas beaucoup la grille de l'ancien. Le nouveau est beaucoup plus intéressant. Parmi les autres nouveautés qui ont retenu l'attention, il faut parler du Subaru Ascent. Le Ascent, on avait vu le prototype il y a quelques mois, il y a quelques semaines même, je dirais, dans d'autres salons. Un véhicule qui était vraiment très agressif en termes de design. Un gros véhicule qui est destiné à 7 ou 8 passagers. C'est quand même un véhicule énorme, là. Écoutez, on parle d'un empattement de 2,8 mètres, c'est énorme, 2890 mm pour être précis, une longueur de près de 5 mètres de long, c'est beaucoup. Ce qui est particulier, c'est que sous le capot, on retrouve un nouveau moteur boxer 4 cylindres 2,4 litres à injection directe de 260 chevaux et 277 livres-pieds, jumelé à une boîte automatique à variation continue. On dit que tout ça va remorquer jusqu'à 5 000 livres, donc 2 260 kilos à peu près. Pour être franc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner parce que vous comprendrez que malgré la puissance annoncée, le véhicule risque d'être fort pesant. C'est quand même un grand véhicule très imposant. La grosse faiblesse de ce véhicule-là, c'est son look. Alors qu'on avait auparavant vraiment présenté un prototype absolument spectaculaire, on se retrouve aujourd'hui avec un look qui est beaucoup plus anodin, qui est beaucoup plus ordinaire. J'aurais aimé qu'on garde les lignes qui était celle du prototype. Malheureusement, on ne s'est pas rendu là. Écoutez, on ne peut pas tout avoir. Je sais que chez Subaru, ils ont l'habitude de nous présenter des véhicules en termes prototypes qui sont magnifiques et qu'on ne retrouve pas en version de production. Écoutez, il est permis de rêver. J'avais souhaité un peu mieux. Malgré tout, c'est un véhicule qui est très joli, là. Faut pas négliger, il ne faut pas s'attarder à ça. C'est quand même absolument magnifique. Autre vedette, le Jeep Wrangler 2018 que l'on attendait avec impatience, que j'aurai l'occasion d'essayer dans quelques semaines, quelques jours même. Écoutez, c'est un véhicule qui est une véritable légende. Jeep, c'est la marque la plus connue au monde en termes automobiles. Tout le monde connaît ça. Le Wrangler, évidemment, c'est la star de la famille. C'est celui qui passe partout. J'ai bien aimé la présentation de M. Manley, qui est le grand patron de Jeep, qui disait à la blague que quelqu'un avait annoncé qu'il voulait se faire enterrer dans son Jeep Wrangler parce qu'il n'avait jamais trouvé un trou duquel le Wrangler n'était pas capable de sortir. Alors évidemment, vous avez compris que ça figure assez bien ce que le Wrangler est capable de faire. On a quand même modifié un peu pour 2018 un système 4x4 qui est hyper, hyper efficace. Mais bon, on l'a un peu amélioré, évidemment, selon la version, parce qu'il y aura encore des versions Sahara, des versions Rubicon, bon, toutes sortes de versions. Donc, le nouveau Wrangler va être amélioré de ce point de vue-là et va toujours être trail rated, peu importe la version avec laquelle on fait affaire. Le style du nouveau Wrangler a été un peu modifié, du moins dans la partie avant, mais on n'a pas perdu de vue les caractéristiques inhérentes au Jeep. Donc, on a gardé la grille à sept fentes qui est caractéristique, qui fait vraiment partie de l'histoire de la famille. On a aussi gardé les phares ronds qui sont aisément reconnaissables. On utilise par contre la technologie DEL pour ces lumières-là. Et on a fait une espèce de rond de DEL autour des feux traditionnels, ce qui crée une espèce de halo lumineux autour des feux. C'est vraiment très joli. On a vraiment bien, bien réussi. Motorisation, c'est probablement ce qui étonne le plus. V6 3,6 litres, 285 chevaux, 260 livres-pieds de couple, on le connaît. C'est celui qui est là actuellement. La seule nuance, c'est qu'on lui ajoute un système de arrêt-démarrage, les fameux start-stop qui sont conçus pour économiser du carburant. Et une nouvelle boîte manuelle 6 rapports ou automatique à 8 rapports, celle qui remplace l'ancienne à 5 rapports, là. Donc, vraiment quelque chose de beaucoup, beaucoup plus moderne. On nous dit que la boîte de vitesse permet d'optimiser, entre autres, le crawl, là, vraiment les marches lentes les plus exigeantes en route. Donc, ça, c'est la première partie. Dans les autres motorisations, et c'est là qu'il y a des choses intéressantes, un moteur 4 cylindres qui n'est pas un moteur de base, mais qui arrive avec un turbo compressé de 2 litres qui va faire 270 chevaux, 8 vitesses automatiques comme transmission, mais c'est ce qu'on appelle un hybride léger, c'est-à-dire le e-Torque, qui est un système qui est avec, qui va bien sûr comprendre l'arrêt-démarrage, mais qui va permettre d'avoir un peu d'appui de puissance électrique, entre autres, puis une recharge intelligente de la batterie et la régénération de la batterie au freinage. Évidemment, on dit qu'il devrait être considérablement plus éco-énergétique que le Wrangler traditionnel, mais on ne sait pas exactement à quel niveau ni comment on s'y prend. Donc, on verra ce que ça va donner, mais ça devrait être plutôt intéressant. Il y aura un deuxième moteur, ça c'était le deuxième moteur, plutôt un troisième moteur, un V6 turbo diesel 3 litres qui va arriver en 2019. C'est en fait le moteur éco-diesel qui est actuellement disponible dans le Ram 1500 ou dans le Grand Cherokee, 260 chevaux, système automatique arrêt, boîte automatique à 8 rapports. Bref, on est pas mal dans la même catégorie que ce qui se faisait avant. Là où il y a vraiment, vraiment une nouveauté, c'est qu'en 2019-2020, on a confirmé qu'il y aurait un nouveau moteur pour le Jeep Wrangler qui serait un hybride branchable. Vous comprendrez qu'on n'a aucune donnée, aucune caractéristique là-dessus, mais c'est quand même un changement assez radical pour un véhicule dont la consommation d'essence n'a jamais été la principale préoccupation. Si on continue dans les nouveautés du Wrangler, il faut aussi parler de la configuration des toits parce qu'il y a vraiment des choses particulières. Entre autres, bien sûr, là, des toits qui s'enlèvent, toits rigides. On peut replier le pare-brise, dont on a modifié l'angle d'approche d'ailleurs, là, pour le rendre un peu plus aérodynamique. Donc, on a modifié ça. On peut le replier vers l'avant, comme on le faisait avec les Jeep Willys, vraiment pour se sentir comme à l'extérieur, retirer les portes. Bref, ça va. Et on a maintenant un toit en toile qui est aussi rétractable électriquement. Donc, il suffit de peser sur un bouton. Et ça se fait jusqu'à 100 km/h. Donc, quand même, quelque chose d'assez intéressant parce que ça va pouvoir être manipulé comme on le veut. Écoutez, Los Angeles, c'est aussi le salon de toutes les, de tous les excès, je vous dirais. Chevrolet n'a pas fait exception. Ils ont présenté la fameuse ZR1, une Corvette ZR1 2019. Une voiture absolument spectaculaire. V8 surélimenté, 755 chevaux, 715 livres-pieds de couple. Un modèle qui est absolument là-bas. Donc, écoutez, ça fait partie des choses que l'on attendait. Il y a quand même aussi, c'est un salon qui s'est quand même, qui normalement se démarque entre autres par ses particularités, je vous dirais, exotiques. Il y en a eu quelques-unes, entre autres, je pense à BMW qui a vraiment offert des choses assez particulières là-bas, notamment, écoutez, c'est des concepts dans bien des cas, le X7 e-Performance, qui est un véhicule de luxe, un VUS hybride. Lui, on l'avait déjà vu ailleurs, mais ce qu'on a vu là-bas, entre autres, c'est la BMW i8 que l'on connaît bien, qui est maintenant disponible en version Roadster. C'est donc un cabriolet absolument spectaculaire et elle est vraiment, vraiment très belle. Celle qu'on nous a présentée là-bas avait une couleur rouille qui était vraiment superbe. On en a profité aussi pour présenter une mini électrique, la BMW i3 qui est en, qui a été redessinée, refaite avec plus de performance électrique, ce qui n'est pas de mauvaise chose, et un concept qui serait la i5, donc une espèce de berline qui se loge quelque part entre les deux, qui serait aussi une voiture électrique, mais bien entendu, c'est un concept, là, c'est complètement fou comme look, mais bon, c'est quand même, là, il fallait quand même le voir, c'est un très, très, très beau véhicule, moi, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé, et elle est prévue pour 2019. Dans les voitures moins exotiques un peu, mais quand même fort intéressantes, chez Volkswagen, on nous a confirmé la venue d'une voiture de voiture électrique pour 2019-2020. Écoutez, ça surprendra personne, on le savait, on l'avait déjà annoncé. On nous a représenté le concept ID qu'on avait déjà vu il y a 2 ans à Paris, l'année passée à Francfort, donc on le traîne un peu partout. On a aussi présenté le ID Buzz. Je suis sûr que vous vous souvenez du ID Buzz, qui est l'espèce de... Pas de Westphalia, là, mais d'Eurovan de Volkswagen, qui est aussi en version électrique. Bien sûr, vous vous rappelez les jaunes hyper modernes, je suis sûr que vous l'avez vu. Et on a présenté l'ID Cruze, qui est aussi un autre véhicule 100% électrique, qui est plus, je vous dirais, plus quelque chose de pas une berline, c'est une berline qui est vraiment beaucoup plus stylée. Je vous dirais qu'à la limite, elle ressemble un petit peu à la Tesla Model 3 que j'ai vue en vrai. D'ailleurs, on pourra en revenir. On dit que lui, ça sera le premier véhicule qui va être probablement conçu dès 2020, le ID. Cruze, et il sera suivi par la suite de 5 autres modèles, dont le ID Concept et le ID Buzz, qui ont tous été confirmés pour la production. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'évidemment, ça va nous amener d'autres voitures électriques chez Volkswagen qui ont un petit peu de difficulté. Dans les autres concepts, il faut parler du Toyota FTAC. Le FTAC, c'est, dit-on, la nouveauté de Toyota. C'est ce qui pourrait prendre la place du FG Cruiser, évidemment. C'est pour le moment un simple concept, mais donc on estime chez Toyota, on pense qu'on va revenir dans ce marché-là de façon assez marquée. Hyundai qui a présenté son fameux Kona, ça c'est vraiment le petit véhicule que l'on attend depuis longtemps. C'est un petit bébé VUS, un VUS sous-compact qui est vraiment magnifique, qui reprend la grille de l'Elantra GT que moi j'aime beaucoup. 4 cylindres, 2 litres, 100 capacités du 1,6 litre de 175 chevaux avec cette voiture-là. Donc, un petit véhicule qui est déjà disponible en Europe et que moi j'ai trouvé très joli. C'est donc intéressant et possiblement, on a déjà annoncé que Hyundai aurait 8 nouveaux utilitaires sport au cours de la prochaine année et que, bien entendu, le Kona en fera partie. D'autant plus qu'il devrait aussi être disponible en version électrique, donc c'est quand même pas vilain. Je vous ai parlé de Tesla. Tesla qui était au salon de l'auto de Los Angeles dans je vous dirais, un kiosque qui est à vrai la grandeur de ma cuisine. Il présentait la Model 3 qui était là. Il n'y avait pas autre chose. C'était assez limité comme intervention, mais au moins le véhicule était là. Je peux donc dire que j'ai vraiment touché à une Model 3. Donc c'est une bonne nouvelle pour Tesla qui, je pense, avait bien besoin de se montrer un peu et de montrer qu'ils étaient là. Parmi les autres nouveautés du côté allemand, il y a Mercedes qui a présenté la CLS. La CLS qui, moi, a toujours été une de mes favorites chez Mercedes parce que j'aimais le style. Elle est beaucoup moins dramatique que l'ancienne ne l'était. On a utilisé la partie avant actuelle de Mercedes. J'aimais moins ça. J'aime moins ça. Je trouve qu'on a perdu un peu le côté coupé quatre portes qu'on nous donnait avec l'ancienne CLS. En revanche, on a modifié considérablement la motorisation. Cette nouvelle CLS, effectivement, va offrir maintenant de la place pour tout le monde. Parce que c'est maintenant une 5 passagers, ce qui n'était pas le cas avant, c'était une 4. Il y a maintenant un nouveau moteur qui est en fait un V6, qui va avoir une assistance électrique. Donc, on parle de 362 chevaux et de 369 livres-pieds de couple qui vont être bonifiés, dirait-on, un peu en accélération avec 22 chevaux. Donc, c'est quand même un véhicule qui est intéressant, qui est, comme je vous dis, qui perd un peu de sa personnalité, de son look unique, mais qui est quand même très, très, très joli. Dans les autres nouveautés, il y a Kia qui a présenté aussi son Kia Sorento 2019, un véhicule qui est remodelé aussi, qui est vraiment beau, vraiment bien réussi. Un Kia Sorento qui va recevoir lui aussi une motorisation diesel. C'est étonnant, on assiste à un retour du diesel, vraiment. Oui, effectivement, une motorisation diesel, quand même. On s'attendait pas à ça parce que c'est particulier. On ne sait pas, on n'a pas les détails, on n'a pas la fiche technique particulière de ça, mais on ne s'attendait pas à ça. Évidemment, il y aura quand même d'autres motorisations. Le 2,4 litres qui était là, 185 chevaux, va demeurer. Le V6 de 3,3 litres aussi, mais c'est vraiment ça. Et il faut regarder le style de ce nouveau Sorento qu'on a beaucoup amélioré au niveau des phares, entre autres, au niveau de la partie arrière. Moi, je le trouve beaucoup plus réussi qu'il ne l'était, même s'il était plutôt joli. On en a profité aussi pour présenter le Kia Niro hybride rechargeable. On l'attendait, lui. C'est après l'hybride que l'on connaît déjà et que l'on a testé, Luc et moi. Donc, on a un 4 cylindres de 1,6 litres, moteur électrique, donc puissance combinée de 139 chevaux. C'est une petite batterie 8,9 kWh seulement qui permet d'être rechargée en 2,5 heures sur une borne 240 volts, une borne de niveau 2. Évidemment, si vous êtes sur le 110 comme moi, ben c'est sur 120 volts plutôt comme moi, c'est 9 heures. C'est peut-être un peu plus long. Évidemment, ça ne va pas sur les bornes rapides comme c'est le cas de la plupart des véhicules de cette nature-là. Il y avait aussi des particularités parce que c'est Los Angeles. Il y a quand même des lancements qui sont un peu fous. Ah, j'allais oublier un véhicule que j'ai quand même, deux véhicules que j'ai quand même trouvé intéressants. Le nouveau Nissan Kicks. Le Nissan Kicks, c'est un autre petit multisegment. Il devrait remplacer le Joke, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'il est dans la même catégorie. Et comme on a de la difficulté à avoir des Jokes, ben, ça se pourrait bien qu'il le remplace, en tout cas dans le cœur des acheteurs. C'est donc un véhicule qui est quand même joli. Petit moteur 1,6 litres, pas de turbo cependant. On parle de 125 chevaux, 115 livres-pieds de couple. C'est bien. C'est un véhicule qui surtout a du style, mais qui n'est pas aussi étrange que ne l'était le Joke. Quoique moi, j'aimais beaucoup le Joke. C'est vraiment un véhicule que j'aime beaucoup chez Nissan. On a fait un bel intérieur aussi. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Il arrive au mois de juin prochain. Ça s'appelle le Kicks, un petit véhicule intéressant. Un véhicule intéressant aussi, qui est quand même là, plus connu, le Lexus RX 350 que l'on connaît, qui s'ajoute une troisième rangée. Donc, un autre véhicule familial qui s'étire et qui s'allonge. ce qui n'est pas vilain. Mais bon, évidemment, ce n'est pas dramatique comme changement. On connaît assez bien le véhicule. Dans les autres nouveautés, le XC40, qui est absolument magnifique chez Volvo, moi, je le trouve très beau. J'aime ce que Volvo a fait avec ses nouveaux véhicules récemment et je pense qu'ils ont encore bien réussi avec le XC40. 4 cylindres turbo 2 litres, 248 chevaux, boîte automatique 8 rapports, rouage intégral. Bref, c'est vraiment un véhicule qui, jusqu'à maintenant, est absolument spectaculaire et qu'on va littéralement pouvoir personnaliser comme on veut. 17 couleurs de carrosserie, un toit de couleurs contrastantes qu'on pourra changer. Donc, ça va aller là. Et au cours des prochaines années, une version hybride, une version hybride branchable. Donc, on est vraiment dans un plein de développement chez Volvo. Et la beauté de la chose, c'est qu'on a gardé l'intérieur, l'habitacle tel qu'il est chez Volvo, que moi, je trouve absolument superbe et qui est vraiment, vraiment, encore une fois, une belle réussite. C'est vraiment particulier. On ne peut pas passer sous silence ce que a fait Mitsubishi. Mitsubishi qui a bien sûr dévoilé le Mitsubishi Eclipse Cross, qu'on attend avec une certaine impatience, pour ne pas dire une impatience certaine au Canada depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on attendait. Mais bon, écoutez, on a bien hâte de le voir. On a hâte d'avoir aussi le Outlander PHEV qui devrait arriver bientôt. Donc, c'est un petit véhicule, en fait, le Eclipse Cross, qui vraiment a du style, a du look, qui est vraiment, vraiment plus agréable en look que les autres et qui va faire du bien à la gamme Mitsubishi, qui a l'air, je vous dirais, plus solide que ne le sont, par exemple, des véhicules comme le RVR, qui, moi, personnellement, m'a jamais impressionné. Par contre, Mitsubishi avait décidé de. Comment pourrais-je dire? De faire quelque chose. Cette année, Mitsubishi, il faut dire, célèbre son centenaire, ses 100 ans. Et ils ont eu l'idée de reprendre leur véhicule, qui est le modèle A, qui avait été lancé à l'époque, et d'en faire une espèce de réplique. C'est-à-dire qu'on modernise la version ancienne. C'est West Coast Customs, qui est une entreprise de Californie qui se spécialise dans la restauration de voitures, qui a décidé de le faire. Et ils ont refait une voiture qui s'appelle la Remodel A. Donc, on s'est basé sur la Model A en utilisant la motorisation du Outlander PHEV et la même plateforme. Mais c'est d'une laideur consommée. Les proportions de ce véhicule-là sont étranges. On dirait une espèce de. En fait, ça ressemble à un taco que j'aurais pu construire avec mon fils quand il avait 5 ans pour une course de boîte à savon. Je suis vraiment pas impressionné. C'est pas très joli, mais ça a le mérite d'être original, il faut bien le dire. Et chez Mitsubishi, c'est ça qu'on visait surtout. On essayait de faire l'original et je pense que ça a quand même été bien réussi. Bon, un petit mot sur la Mazda 6, qui est vraiment plus belle qu'elle ne l'était. A pas de grand changement, bien sûr, on lui rajoute le fameux contrôle vectoriel de la force. G, qui est vraiment joli au niveau du look aussi, parce qu'on a perfectionné un peu le design Kodo. C'est une belle voiture à qui on a mis le rouge désormais caractéristique de Mazda. Ça valait pas tout un plat, mais c'est quand même un véhicule qui est charmant et qui est joli. Et il y a d'autres trucs qui sont arrivés là-bas. Je pense entre autres à la Saline 1. Saline, vous vous souvenez peut-être, c'est un fabricant qui faisait quelques petites voitures de performance. Ils ont fait entre autres la S7, qui était la dernière voiture de performance qu'on avait vue de Saline. Et ben là, on a sorti la Saline 1 2018, la première en 15 ans. Une voiture qui me semble assez belle. Bien sûr, on l'a vue uniquement sur le podium au moment du dévoilement. On aura l'occasion probablement d'en voir davantage, mais pour le moment, c'est une voiture qui est assez jolie. Dans la voiture de performance, il faut aussi rappeler que Porsche a présenté la 911 Carrera T, a présenté la Porsche Cayman et Porsche Boxster 718 GTS, deux véhicules bien sûr plus puissants, deux véhicules beaucoup plus légers. C'est vraiment là, intéressant. Les deux GTS, par exemple, arrivent avec un 4 cylindres turbo 2,5 litres, donc 365 chevaux, plus rapide, en fait, plus puissante donc, que les versions S. Boîte manuelle 6 rapports ou la PDK, la fameuse boîte à double embrayage. C'est des véhicules vraiment super intéressants qui vont se vendre à partir de 90 000 $ à peu près l'unité, ce qui est quand même pas vilain non plus. Enfin, il y a une voiture dont je vais vous parler, pas parce que la voiture elle-même est spectaculaire, mais parce que vraiment, ça, c'est ma déception par rapport à GM. Vous rappelez peut-être de la Buick Lacrosse qu'on avait rebaptisée chez nous la Buick Allure, parce qu'évidemment, vous avez compris que la Buick Lacrosse, c'était pas nécessairement le meilleur nom du monde. Ben, on l'avait abandonnée, on l'a ramenée et elle s'appelle encore la Buick Lacrosse au Canada. Jusque-là, c'est déjà pas fort, mais on a vraiment l'impression que, bon, ils se moquent un peu de ça. Mais écoutez, ils viennent d'ajouter une déclinaison de luxe à la Buick Lacrosse. Et le problème, c'est que la Buick Lacrosse, chez Buick, la déclinaison de luxe, la division de luxe, s'appelle maintenant Avenir. Alors, quand vous vous dites complètement qu'on va conduire maintenant une Lacrosse Avenir, je ne suis pas convaincu que c'est nécessairement un bon coup marketing. Évidemment, vous me direz qu'on est un marché extrêmement limité et que ce n'est pas pour nous que GM le fait, mais j'avoue quand même que ça m'a un petit peu horripilé comme nom. Mais bref, ce n'était qu'un détail. Donc voilà qui fait pas mal le tour du salon de l'auto de Los Angeles. Je vous avoue que c'est un salon qui était pas spectaculaire, un salon donc qui s'est rapidement déroulé en fait, parce qu'on est habitué dans les grands salons qu'il y a vraiment des conférences de presse très très régulières, ce qui n'a pas été le cas nécessairement dans le cas du salon de l'auto de Los Angeles. Malgré tout, c'était quand même un beau salon et c'est toujours intéressant d'aller à Los Angeles quand il fait moins deux chez nous. En terminant, je m'en voudrais de ne pas prendre 2 minutes pour vous parler d'une nouvelle dont tout le monde a parlé cette semaine. C'est la rumeur à l'effet que le gouvernement du Québec s'apprêterait à modifier les lois pour, entre autres, bon, établir des couvre-feux pour les jeunes conducteurs, pour les empêcher d'avoir trop de passagers à bord et pour modifier d'autres éléments, notamment l'obligation des pneus d'hiver au mois de novembre, au 15 novembre. Écoutez, pour les jeunes conducteurs, on pourra en discuter longuement et je vais attendre mon collègue Luc pour le faire parce que je pense que Luc aura une analyse qui va être un peu différente de la mienne. Mais pour les pneus d'hiver, je l'ai déjà dit et je le maintiens, je pense que c'est une excellente idée. C'est vrai que ça va créer peut-être une congestion supplémentaire dans les garages au moment des installations et que ça va peut-être nous forcer à mettre les pneus un peu tôt dans certains cas. Mais vous rappelez-vous qu'un pneu d'hiver, c'est efficace quand il y a une température de 7 degrés et moins, et ça fait longtemps au 15 novembre qu'on a 7 degrés et moins de moyenne dans la journée et donc encore plus froid le soir. Ça va donc en théorie rendre la conduite encore plus sécuritaire. Moi, je pense que c'est indispensable de le faire. C'est la raison pour laquelle on a forcé les gens à avoir des pneus d'hiver. Alors évidemment, je pense que c'est la meilleure solution. Et vraiment, je suis tout à fait favorable à cette décision-là. Quant aux autres éléments de la loi qui seraient pour le moment à l'étude, on va attendre de voir si effectivement elle l'est, si c'est une réalité ou pas. Mais pour les pneus d'hiver, je tenais à vous en parler parce que si vous ne les avez pas encore, je vous rappelle que j'enregistre ce podcast le 1er décembre et que si vous ne les avez pas, ben, il serait plus que temps que vous y pensiez parce que vraiment, c'est le temps. D'ailleurs, à cet effet-là, je vous ai parlé que je testerai cet hiver les pneus de Canadian Tire, les Winter Edge, qui ont été développés, entre autres, au Québec, au nord de Montréal, à Mécaglisse. Donc, je les testerai sur une voiture qu'on a ici à la maison et j'aurai l'occasion de tester d'autres pneus aussi. J'en suis très heureux. Ce sont des pneus à Capellita, les R2. Ce n'est pas des pneus qui sont neufs, c'est des pneus qui existent depuis un certain temps, mais je ne voulais pas tester des pneus à clous parce que ça ne fait pas partie des choses auxquelles je pense que j'ai besoin puisque je suis en ville et que ce n'est pas nécessairement la meilleure. La meilleure solution. Mais honnêtement, je suis très heureux de pouvoir tester ces pneus-là. Donc, au cours des prochaines semaines, vous m'entendrez vous en parler. Pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que les Winter Edge sont pour un petit peu plus bruyants. D'autres le sont pas mal moins. Mais c'est quand même des pneus qui, ma foi, jusqu'à maintenant, se sont avérés fort intéressants. Alors, voilà qui met fin à cette édition écourtée de cette émission de Ça roule radio. J'en profite pour remercier Luc Desormeaux qui va quand même faire le montage et qui va quand même s'occuper de mettre tout ça en ligne malgré le fait qu'il souffre d'une grave grippe qui l'empêche de parler. probablement que sa femme l'en remercie. Pour le reste, écoutez, on vous invite bien sûr à communiquer avec nous. Vous pouvez aller voir sur notre page Facebook, Ça roule Radio. On a un compte Twitter, Ça roule Radio, que Luc administre. On a aussi une adresse info à saroulradio.com à laquelle Luc Desormeaux et moi, on a accès et on répond à toutes vos questions. Bien sûr, si vous avez des questions, ça nous fera plaisir. De mon côté, vous pouvez me rejoindre soit sur mon blog marcbouchard.ca ou sur ma page Facebook Marc Bouchard ou encore mon compte Instagram, Bouchard_Marc. D'ailleurs, je vous invite à aller voir. J'ai plein de photos de ce que j'ai vécu cette semaine au Salon de Los Angeles, des voitures que j'ai vues là-bas. Vous avez donc ça. Et j'ai même une photo d'un magnifique sapin et d'une patinoire parce que oui, croyez-le ou non, à Los Angeles, quand il fait beau le soir, on ne sait pas quoi faire, ben on s'en va patiner au son des chants de Noël sous le grand sapin illuminé. Alors, c'est donc, ça, si ça vous intéresse, allez consulter tout ça. Et on vous invite bien sûr à nous écouter, soit si vous nous écoutez sur différentes radios web, là, sportradio.ca ou Média Radio Plus. Mon Dieu, j'ai un Radio Média Plus, excusez-moi, je me suis trompé de nom. Il y en a d'autres aussi, là, H2O Radio, et on est disponible bien sûr pour téléchargement sur iTunes et sur Google. Donc, on vous invite à nous écouter, à nous faire parvenir vos messages, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ici là, je souhaite à Luc un prompt rétablissement. J'espère que vous avez quand même apprécié cette petite émission, et on revient la semaine prochaine.